Nous, nous nous sommes trouvés. Nous allons vers demain. Tous nos sens exaltés comme un été sans fin. Toi, tu veux tout me donner. Toi, mon double masculin. Sons et lumières enivrées. Toi, tu seras mon chemin. Un seul regard complice et nous fondons de suite. Tu es mon doux supplice. Il faut que je t'invite. Moi, j'en frissonne à l'idée. Moi, et mon désir câlin. Remplir ton cœur enflammé. Moi, je veux croire en demain. Nous, nos corps enlacés, nous ne formons plus qu'un. Tendresse et volupté, en ce radieux matin. Un seul regard complice et nous fondons de suite. L'amour et ses caprices jamais ne se limitent. Toi, destinée.